minuit 1h, minuit 1h, c'est Rail Suprême, mixé par DJ Kayz sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est Rail Suprême le dimanche soir. Comment ça va, Kayz? Tout va bien. Une semaine après la sortie de Paris Orange New York, toujours dans les bacs. Ça speed, on est en pleine tournée, on voit que tout le monde s'est parti se procurer l'album, ça fait vraiment plaisir. J'ai de super bons échos, tout le monde kiffe, donc ça fait vraiment plaisir. Et bah, continue à récupérer cet album, je suppose que ce soir il va y avoir encore pas mal d'extraits. On va encore balancer des extraits. L'émission de la semaine dernière a été vraiment applaudie par tout le monde. Ils ont tous écouté, ils ont kiffé, donc ça fait plaisir. On va essayer de rester dans le même tempo, dans la même énergie. Très bien, et bah c'est parti pour une heure de son mixé par DJ Kayz, Rail Suprême sur Skyrock. Coup d'envoi. DJ Kayz, DJ Kayz, DJ Kayz, DJ Kayz, DJ Kayz, DJ Kayz, DJ Kayz, DJ Kayz, DJ Kayz, DJ Kayz, Classe à bouquin de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident qu'il faut du soir. Paris en New York. Salut la famille, c'est DJ Kayz. On se retrouve tous les dimanches soirs minuit 1h avec Fred pour une heure de mix de folie. De la sape ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident. Il faut du soir. Du soir. Baby. Du soir. Ça fait pas comme un spoil. Du soir. Ça prend des piges et des piges. Demande à Scalpovic, trop de Lucy. J'kick sa deux billes, prends mon Yevi. Tu veux du swag, il te manque ce truc qui fait que soudain tu te démarques. On se fait pas remarquer, on est remarquable. Faut le dire, personne nous rattrape. Swag et même en prestige, reste ça me merci, passe. Trop de compliments, pourtant j'allais juste pisser. J'ai tissé ma toile comme piqué. L'expliquer c'est trop compliqué. Être chic c'est pas l'échec. Et qu'est-ce tu perds la tête. Mais au fait quitter. T'aimerais nous côtoyer, t'es sur la liste rouge. J'assure la piste tu bouges. Mais t'as pas trouvé la lourde. Ok ok t'as des loups. Mais t'as pas le level. T'as mis un LV. Putain. Et je veux pas d'avoir la sape ou bien ta marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident. Il faut du swag. Du swag. Baby. Du swag. Ça fait pas comme un spoil. Du swag. Ça prend des piges et des piges. Personne ne nous stoppe, c'est chic shop. Un hip-hop qui te frappe ton style à l'odeur d'anti-pop. J'ai déjà dit, nous testez, ne venez jamais. Toi t'arrives, on connaît, moi je repars en fumant. Une pour ma masse de clichés, la famille Tuna. Zim Zima, encore un son de Tuna. Tu te prends la tête avec ton survêt zardi dans la tech. C'est dans le sang la tech, même quand je jardine sans la selle. Je tape pas dans l'assiette, j'ai toujours un tabio dans l'assiette. T'aimerais enlacer, mais ce soir le physio t'a rappelé. Faut pas d'avoir de la sape ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident qu'il te faut du swag. Du swag, baby. Du swag, ça fait pas comme un spoil. Du swag, ça prend des piges et des piges. J'ai dit j'ai besoin d'air. Couper mon fun et me barrer tout l'été. Oh, moi je veux voir mes visages briller. Et voir mes potos kiffer. L'odeur de la viande grillée. On est tous là pour kiffer. Je me suis déconnectée. J'ai laissé tous mes problèmes de côté. Je me suis déconnectée. Je me mettrai sur répondeur tout l'été. Et j'écouterai du Biggie, du Tupac pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine. Je suis pas là, la la la la la la la. J'suis J'efface mon passé maudit. J'ai mis les bagages dans l'audit. Je vis sous le ciel gris de Paris, mais je veux la même vue qu'à Bali. Le quotidien m'a rendu écrit. Donc je démarre la caisse, les vitres et les lunettes fumées au feu rouge. Je donne toujours une petite pièce. Je débranche Twitter, Facebook, tout ce qui casse la tête. Dans le sud de l'Espagne, je pars faire la sieste. Ne m'appelle pas, je réponds plus. Un peu de weed, un peu d'huile, je suis frais, je me fais bronzer les plumes. Je coupe le son et l'image, je fais un bisou au village. Dis-leur que j'ai pris le large. Je me suis déconnecté, j'ai laissé tous mes problèmes de côté. Ouais, je me suis déconnecté, je me mettrai sur répondeur tout l'été. Et j'écouterai du Biggie, du Tupac pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine, je ferai la belle comme Beyoncé. Ne m'appelle pas. Que sonner, désolé, je suis pas là. Et gros amant, tu vas parler. Et ton ma tête est malade. Et aujourd'hui, faut que je me barre au soleil. Je me tire d'ici, je vais kiffer. Ne m'appelle pas, je suis pas là. Je désactive mes comptes, tu es avec mes gars. Je suis sous le soleil et je me balade. Ne m'appelle pas. Pareil, zone de jour en bande. Dans la poche, le grand arrêt. Poursuite entamée, ça coupe sur la bande d'arrêt. J'suis genouné, j'ai du mal à dire mi amor. J'suis genouné, j'ai du mal à dire mi amor. J'suis genouné, j'ai du mal à dire mi amor. J'suis genouné, j'ai du mal à dire mi amor. Tout dans le game, j'arrive, ils ont la mort. Ici, c'est le 13, poteau, j'arrive qu'à couler ganté. Dans le rap, y'a trop de victimes qui jouent les brigantés. Chicha, papicha, allume le bon char. Un peu de weed dans un bon cas. Que du V12, que du gros char. On veut du gros cash, la tête camouflée. Sous une écharpe, sur le boulevard. En marche arrière, en gros BM. Au-dessus des lois, au-dessus du game. Mon passé parle pour moi. Laisse faire du cambouis sur les mains. Je viens te réparer une courroie. Baby, happy hour. J'ai les idées. Parfois je dérape pour changement d'humeur. Dans mes attitudes, je suis sur les nerfs. C'est dans mes habitudes. J'irai bien faire un tour dans la ville. Me changer les idées. J'entends cette petite voix dans ma tête qui me dit Anja et toi. Je suis perturbée, je m'évade dans mes pensées. Je suis trop préoccupée, je suis comme ça. Skyrock, Rise Supreme. Au Hebs, les frérots préparent la chauffe. Des gamelles terre, top chef, big frappe de 30 mètres. Comme Yaya Touré, j'arrive toujours à l'heure où les gens sont bourrés. Vitres et lunettes fumées, au feu rouge, donne toujours une petite pièce sur une plage. Prends l'Espagne, je fais la sieste. On fracture les portes, on parle en code. Parlons euro, parlons business, parlons tout. J'ai déjà vu le talent, j'viens de là où ça parle calage. J'suis perdu, j'suis en décalage, finis riche dans un palace. Rime gadoule, t'entends le son, t'es genouné. Comme ce mec qui rote en cagoule pour fumer. Olé, man, j'suis avec ma team sur Pana. J'vis, j'vois, j'ai mal pour oublier, j'fume le crâne. DJ Guys, t'as la tête même côté. Tu veux te faire une place, mais c'est pas de boycotté. Baby, habibi, j'ai les idées en place. Parfois je dérape, trop de changement d'humeur. Dans mes attitudes, je suis sur les nerfs. C'est dans mes habitudes. J'irai bien faire un tour dans la ville. Me changer les idées, j'entends cette petite voix dans ma tête qui me dit Anja et toi. Je suis perturbée, je m'évade dans mes pensées. Je suis trop préoccupée, je suis comme ça. Envie de faire un murder. Elle m'attaque dessus, je vois des choses qui font. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. J'apprends de paille au calme, sirote le morito. J'écoute plus les rappeurs, la plupart sont des gros mythos. J'ai cassé ma télé, j'ai jeté ma radio. J'ai quitté les gens qui surveillent ma vie derrière leur rideau. Je ne veux plus me lever au champ du cocorico. Les convocations à répétition au comico. Je veux me dorer la pilule sur les plages de Porto Rico. Me lever, fumer un cigare, me rendormir au cigare. C'est ça la vie, 42 gallons pour au soleil. Et m'exiler avec un max d'oseille. C'est ça la vie, c'est ça la vie. 42 gallons au soleil. Je veux juste mes soucis. Et m'exiler avec un max d'oseille. Direct sur Copacabana. Copacabana. Copacabana. Copacabana. J'ai sorti mon cigare. jeune, j'aime me dire pas sur ma chicha, surtout si t'as les dents jaunes. On est là pour la déconne, on sera pas tous les jours jeune. Toi t'es là, t'es sérieux, mais tu passes une soirée chère. Fini les portes du rail, ma cité a déjà craqué. On move sur du rail avec des gonzesses à croquer. Si les keufs nous écoutent, faut surtout pas paniquer. Quand je parle de tuyaux au charbon, c'est pas pour braquer. Elle va souffrir pour te plaire, respecte la mise. Les traces sont brunes, c'est le fer, ma délice. Talon aiguille, team grosse glisse. Elle a un bac plus maroc, bête de vie. J'ai refusé des trios avec des jolies femmes. Faut pas non plus abuser, je vais sauver mon âme. Nage et dame, en bécane. DJ Kays, l'artiste, c'est obligé que t'es fan. T'as cru qu'il était plein, t'as fini au baladin. J'fais le tour du périph, c'est comme ça qu'on se baladin. Qatari est champion, toujours numéro 1. Que Dieu me pardonne, j'suis vidé des bouteilles. J'repars pour les gros, ça m'a tous mes reins. Je sais qu'un jour j'vais couler, oui que j'vais vous saouler. Mais tant que je serai là, la concurrence va recouler. Jusqu'au bout de la night, mon temps s'est abusé, c'est le phénomène. Jusqu'au bout de la night, la musique nous a usé, c'est le phénomène. Jusqu'au bout de la night, Champs-Élysées, cheese photo, pizza pino. Mon Keizune, tu connais les bails, Salut la famille, c'est DJ Kays. On se retrouve tous les dimanches soirs, minuit 1h avec Fred pour une heure de mix de folie. Bien vu à la place, Rachid Arabe. On ramenait jamais ce qu'on volait à la baraque. Par peur, c'est marave. Débrouillard, plutôt jeune, un gosse du Rachid System. Beurre et concentre au potentiel. En France, si facile, se retrouve au Hebs. Halafi, au 30 dans des coups, des trafics. Je suis toujours un petit reflet, toujours à l'affût, vicieux d'El Spa. La débrouillardiste, ça, c'est le coup de grippe, Rachid System. Pour ceux qui ont pas froid aux yeux, les adeptes extrêmes. Qui tentent de faire recette, se mangent des coups, se relèvent. Et parfois, c'est fatal, ça semble interminable comme une jifada. Avec les moyens du bord dans tous les domaines, on a la hache, t'as les draps bientôt. Et si on tourne au vert, au critique. Auto, aussi vrai que j'aime mon pays et que rien ne le vaut. Rachid System, gros. Yeah. Un mois de salaire, ça cause de boules, de bad bitch, ça va me plaire. Laisse les bras vite spike pour un bout d'air. J'file comme une étoile pour me payer ça à force. Chercher la fuck et m'équiper de ma course. Fini l'époque des guerres, face au physio. Au platine, y'a gay. Je suis un enfant de la fun comme James Brown, j'ai les jambes en feu. Le doigt en l'air, le paquet gris, c'est trop mieux. Je suis à déguster, je suis à croquer, chaud à l'intérieur. Rappelle-moi moi le. Suis-nous sur la piste, c'est ça, peut-être des petits pains. Petit cerf en dessous de la boule à facettes. Jamais sous tease avec mes yeux de shiny. Cherche pas la petite dans le ghetto, c'est la seule. Y'a des sons que je kiffe pas trop, mais je l'aime ambiance. A la base, la fun, c'est pas un calme. J'essaie de suivre le mouvement. Je me contrôle pas sur la piste. Tout le monde est dans son délire. Y'a même des gens jaloux. Et je profite jusqu'à la fin. Après, j'avoue, y'en a qui pensent jusqu'au bout de la night. Parfois, t'as pas l'envie de sortir t'amuser, mais tes potes t'engraînent. Alors, tu te laisses tenter. Et tu sais dorénavant qu'à la fin, t'auras la migraine. Mais ça vaut le coup. Donc, tu t'emballes pas ambiance caliente. Oh, tu peux même te mettre à la suite de trop petits pas de salsa. Beaucoup trop de nostalgie, c'est clair, j'ai la funk en moi. Trop style, trop de classe, c'est la secla. J'ai sorti le 3 quarts, il est sous le bras. Sinon, je suis avec tout le quartier, ne me saoule pas. Chicha emporté, j'ai la hookah. Demain, je m'arrête pas comme AP et Rimka. DJ Kays, vas-y, lâche les décibels, on est là, on bouge pas comme le visage à Paris. Aïe! Skyrock, Skyrock, à la base, la funk, c'est pas mon cas. J'essaie de suivre le mouvement. Je me contrôle plus sur la piste. Tout le monde est dans son délire. Y'a même des gens jaloux. Et je profite jusqu'à la fin. Après, j'avoue, y'en a qui pensent jusqu'au bout de la night. Automatique sur la bleuta. En attendant sur le pilon, moi je tire des fleutas. Comme au foot, ça les crochets dans la surface. Pour les frappes, on surpasse. Quand les autres font du surplace, donc tu es des surclasses. Le roi, c'est la qualité. Elle y fait la fête et enterrons nos rivalités. Pas d'hémorroïdes au cul, mais j'ose plus m'asseoir. Sur les caves, je mets les pleins. C'est OP, vous m'avez saucé. Une petite question, c'est gratuit avant minuit. J'ai pas les ronds qui paye sa conso. Je dis ça, je dis rien avant qu'on me traite de mijoto. C'est quoi l'ambiance? Oh, soirée gendarme ou costard. Fais pas ta masse, talon aiguille. Tu vas te fouler la cheville toute la night. Toute la night. Y'a des sons que je kiffe pas trop, mais je l'aime ambiance. A la base, la fun, c'est pas ma carte. J'essaie de suivre le mouvement. Je me contrôle plus sur la piste. Tout le monde est dans son délire. Y'a même des gens jaloux. Et je profite jusqu'à la fin. Après, j'avoue, y'en a qui pensent jusqu'au bout de la night. Minuit 1h, minuit 1h, c'est Rail Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. Ça fait même en turc anana se cum. Les jaloux on le seum, on s'en bat les clairs. Nous on a la classe, Rouma c'est des clairs. Retiens ta mine, j'en dirais qu'elle a faim. Nous on respecte, t'es pas tombé sur des chiens. Direct à mon rang, tu veux mon numéro. Tu connais pas l'Algérino. L'Algérino, fond de capito. 1 million d'euros, tous mes classicos. Une armée de bigo dans le barrio. On peut peser plus lourd que les généraux. J'espère que les meufs elles sont de sortie et qu'elles ont pris la douche. Parce que beaucoup de meufs aujourd'hui ne se douchent plus. Elles mettent le maquillage Jemais. Mais Jemais c'est la marque, cousine. Je te remets. Pour toi j'ai la solution. C'est pas Elsev qu'il te faut, c'est Elsla. Et à tous ceux qui putent la gueule aussi au passage, je te signale que ça existe mon pote. Et tu peux y aller, vas-y. Remettre le suédois, l'Algérino, DJ Kane. Dimanche soir, minuit, 1h, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Yeah. famille, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs, minuit 1h avec Fred pour 1 heure de mix de folie. C'est Rail Suprême. Skyrock. Mais Aïni. 113, Taliani. C'est bon. Écoute. Et un babour, y'a mon amour. Kharjmi, m'la vise. Moi je suis de Californie, on fumait 350 Benji sur les bords de la corniche. Habchini, Merli, j'ai rien à perdre. Rimka le malade mental, plus connu que le head, je m'en bats. Je voudrais passer les aînés à ma bien-aimée avant que je taille. Comme chef Hesney, je suis sentimental. Partir loin, rien à perdre, fais Boston ou lâchez pas. Laissez-moi de toi, comme Robinson sur une île. Mon mouton, j'appellerai mercredi. Et dès que l'avion atterrit, j'applaudis. Comme les Chibeni, je vous rends la carte résidence. À un moment d'évasion, Yarman, lève-toi et danse. Ça fait plaisir. Et un babour, y'a mon amour. Kharjmi, m'la misère. Bilali, m'lani, m'hadour. Aïta, y'y, toujours y mar. Marra, bish, l'occasion. Bilali, ça fait longtemps. Et d'un essai, t'mi, qui j'y suis. Stemma'li, et je rinoui. Y'a le babour, y'a mon amour. Kharjmi, m'la misère. Évasion spéciale, Brésilie, l'Occidental. Blédard, débrouillard, je t'annonce. Amène-moi loin de la misère, mon plus fidèle compagnon. En route pour l'Eldorado, même en classe, c'est con, dirou, sac à dos. Partir loin, sans les cousins, les placards, c'est dur. Je me considère chanceux d'être en vie, pourvu que ça dure. J'ai grandi qu'avec des voleurs, j'aurai toujours les you-you qui résonnent dans ma tête à la quête du bonheur. تعييت وجوني مار ما تربيش لوكاسيون اروح اروح سين المومون هدا نسيت ليك جي سويا نخدم عليه شوري نويا يا البابور يا مرامور خرجني من لا ميزير بلادي راني محبور اي تعييت وجوني مار نساكريفي وين JSK, Maghreb United, Algérie, Maroc, Tunisie réunifiée, Maghreb United, partir loin pour fuir les problèmes qu'on a dans la tête, mec, Maghreb United, Fred Williams sur clavier, Rachid Toulouse. Une heure de mix 100% rail, rail suprême. C'est seulement sur Skyrock. DJ Case, à l'instant, une grosse heure déjà pour débuter, une grosse demi-heure pour débuter de son mixé pour ce Rail Suprême. Une bonne demi-heure avec des extraits évidemment de Paris ou en New York. Exactement. Dans les bacs depuis une semaine. DJ Case en tournée aussi. En tournée, ouais. Quelques dates maintenant ou tout oui, à l'heure, bien comme sûr, tu veux, ouais, hein. Je peux vous le dire. Alors, vendredi 5 septembre, je suis au Sofitel à Marrakech. Le 6, c'est au Théâtre Porte-Maillot à Paris. Le vendredi 12 septembre, c'est au Red Room à Lyon. Et le samedi 13 septembre, c'est à l'Unique à Saint-Quentin, discothèque. Donc, bien chargé pour retrouver DJ Case. On fait une belle rentrée. Et puis on peut suivre aussi un peu partout pour avoir toutes bien les dates. Bien sûr, sur le DJ Case, la page fan, DJ espace KAYZ, sur Twitter, DJ Case Paris, donc tout collé, @DJKAYZPARIS. Et pareil sur Instagram, DJ Case Paris. Bon, on va revenir dans un instant, Case. Avec du lourd. Ouais. Grosse session. Grosse session. À pas louper, c'est juste après ça. Ouais, mec. Dimanche soir. Minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Salut la famille, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs, minuit, une heure, avec Fred pour une heure de mix de folie. Chauffe une boîte de conserve. J'fais du Del Boca sur un bidon en fer. Au fin fond du bled se trouvent tous mes repères. Chez nous rien ne se perd, tout se récupère. J'essaye le soldier, tu sais bien j'crains pas la foudre. On retourne à Cadillé, on fait griller du hout. Prépare-moi une soupe, une charge pas classique. C'est système rachid. Au fond du soleil, au fond de la pègre. Tu veux savoir c'est quoi le rachid système? Quand on a une solution à tous les problèmes. Quand on se fait une ceinture avec une ficelle. La vie est brute, c'est ça le rachid système. Je veux savoir c'est quoi le rachid système. Quand on a une solution à tous les problèmes. Quand on se fait une ceinture avec une ficelle. Rachid. Un artiste peintre, j'ai grandi avec trois sous, j'aime les choses simples. Pour capter les chaînes du bled, il me faut un cintre. Pour me faire une antenne, rachète système, fier et solidaire, avec les gens que j'aime. Toujours fait en sorte voler de mes propres ailes. Quand tout est perdu, dans tous les problèmes, rachète système, il était une fois dans l'ouest, un petit débrouillard. Je ne fais que mon devoir, je ne suis qu'un débrouillard. Je vais te raconter mon histoire. Du soleil au fond de la paix. Tu veux savoir c'est quoi le rachid système? Quand on a une solution à tous les problèmes. C'est Rail Suprême. Skyrock. C'est ça le rachid système. Tu veux savoir c'est quoi le rachid système? Quand on a une solution à tous les problèmes. Quand on se fait une ceinture avec une ficelle. Rachid système, mon pote. DZ Power. Rachid système, je suis qu'un débrouillard, je vais te raconter mon histoire. Rachid système, on fait sécher les feux sur le star. Pejaya M.O.B. Skyrock, Rail Suprême. C'est DJ Case, DJ Case. Sur Skyrock. Ba-ba-ba-wa. DJ Sohino, Akino, vive l'Algérie. Parlons d'or du Maghreb. En direct du bled sur Canal Algérie. Gladiateur en bas rouge. La planète, nous allons l'alerter. Mettez-vous sur la touche. Vous avez les trophées, nous avons la fierté. De Barthez, c'est le seul dans les bars de Barbès. À Paris en panique sont les gens, ça fait peur, 500 000 maghrébins sur les champs. Ronaldo, Robinho, Emerson, on s'en fout, on a peur de personne. La planète, nous allons l'alerter, vous avez les trophées, nous avons la fierté. Efficace et précis, imbécile, c'est chez nous le Brésil. But de Saïdi sur une base de Ziani ou Megni, ça fait kiffer mon ethnie. teintes aux couleurs algériennes. En voiture, en bécane, en ferry, connecté sur canal Algérie. Les pétards, les klaxons, les pétards, ma musique fait danser les pétards. Et le millésime, coup de tête inédit à la Zinedine. Angleterre, Algérie dans un pub, seul le foot fait sourire tout un peuple. On arrive sur les autres, on a pris le dessus. J'pars au bled en Afrique du Sud, arrogant fond d'écran sur le Blackberry. Le slogan One Two Three, vive à l'Algérie. S.I.N.I.K. Chebakim Algérien, pierre de lettres. Y'a parhem kmoula. Y'a da'oué m'kaboula. Khadra mon amour. Y'a l'abou l'boula. Y'a kulkou l'chebouha. Y'a d'y fili l'yo. Y'a d'y fili l'yo. C'est DJ Kaze. DJ Kaze. Adria Abou Ida Bidek L'hal Ali. يا سيدي بوم الجن انا في بردك الامن. يا سيدي الهواري سلطان الغالي وش فيني عبد الله سلطان العالية. Skyrock. On va venir le pédrier pour aller me dire la haine à l'IA.

Skyrock. Sur Skyrock. Sur Skyrock. taper des bars. Salut la famille, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs, minuit 1h avec Fred pour 1 heure de mix de folie. J'ai 9 sur le plafond, jamais les murs nous. J'ai 9 sur le plafond, jamais les murs nous. J'ai 9 sur le plafond, jamais les murs nous. Chez nous le terrain est glissant, ramasse pas le savon. Comme si mes chenas du 19, je t'en mets c'est pas bon. Faut que les esclaves de l'État qui prennent le peu que nous avons. Le but c'est demander pardon, tant qu'on est sain et sauf. Si ta rose me kiffe, pas pour autant que je serai ton prof. Ma génération, je la distance avec un tour de chauffe. Tu feras pas long feu si tu vois de quel poids je me chauffe. Ils se mettent à manger du moco pour rapper comme un como. Que les alous se mettent au sneakers, ils me font ma meilleure promo. J'ai fait couler des litres de flanche pour étant faire des tonneaux. Si toutes mes rimes seraient imagées, je serais une star du porno. Promis en lumière, ils veulent baisser les stars. Personne me masse dessus, moi je m'en fous d'être une star. Comment être un bon vivant en ayant tant de morts? Entre nous, y'a un fossé, j'ai creusé mon écart. Caseurs flotteurs qu'on tendance à Keblo. J'ai pas compté sur Apple pour espérer Kekro. J'ai mon train de vie au bout des lèvres sur des bouches de métro. J'ai les crocs sans les trous, regarde pas le rétro. En nous y'a tellement de traces, pourrait t'en faire des locks. La haine même dans le caleçon, pourrait t'en faire des locks. Je te parle de la jungle parce que la douche vient c'est féroce. Je me rappelle des cafards égarés dans mes Kellogg's. Je trouve le temps de poser, je trouve pas le temps de mes épaules. Il m'arrive pas à la suite, je veux pas les secs des épaules. Je sais ce que j'ai à faire, je pense que j'ai à prendre. Professeur sultan, la nouvelle vie, je vais leur apprendre. Je préfère le banc des accusés que celui de la touche. Préfère ramasser mon fardeau que le savon à la douche. Me reproche pas de faire des tubes quand t'as pas le niveau. Parce que tu payes pas mes factures, remplis pas mon frigo. Chargé, allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein de gasoil et de gazous pour pas flancher. Bilen, la PCR, le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, toujours le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, je sais, c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Rideau? À Béjaïa City, du haut de ma montagne. Avant de rentrer feu d'art, je fais un petit détour par Warlan. Vu qu'à Paris, j'ai dévalisé tout à Tati. Je vais rassasier tout le village, même les plus petits. Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés. Et des jouets en pagaille pour les nouveau-nés. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Sur la plage à boulet mat avec mon zinc et son derbouka. Dans la main, un verre de Selecto, imitation coca. Une couche de zizitoun sur le corps et sur les bras. Avec mon poste sur un fond de Wania. Skyrock, Rai Suprême. C'est DJ Case, DJ Case. De toute façon, donc la famille aime tant le temps, y'est pas. La vie parfois, je sais pas. On essaie de rester vrai, car chez nous c'est où tu l'es, tu pars. Ils nous jugent mal parce qu'ils sont ivres. D'après moi, non, ils savent ce qu'ils font. Et veulent que ça vexe, t'as pas l'impression d'avoir déjà vécu ce qu'on est en train de vivre. Ouais, c'est comme quand les femmes font les mêmes trucs que nos ex. Il est dur d'avoir l'esprit sain. L'ambiance est malsaine. C'est le même délire partout. La même ambiance à Marseille. Certains sont gays, d'autres sont aigris. Laissons faire nos instincts, vu que nos destins sont écrits. والناس عليك دينا تهدو يوم عليك دينا تهدو يوم حتى يطع وينهار ويوم خلي الأديان يقولوا حتى يهضروا ويملوا ليعدوا بميدينوا وغير يهضروا ويزيدوا خلي الأديان يقولوا حتى يهضروا ويملوا ليعدوا بميدينوا وغير يهضروا ويزيدوا Se mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Et c'est déjà fini pour ce Rail Suprême, une semaine après la sortie de Paris en New York, Case et Lain. Eh ouais, on a passé une bonne heure, une très très bonne heure ensemble. Et on va revenir la semaine prochaine, Case. Exactement, comme tous les dimanches. Concernant les dates de soirée, donc comme on l'a dit tout à l'heure, vendredi 5 septembre, je suis au Sofitel à Marrakech. Le 6 septembre, c'est au Théâtre, au Discothèque, c'est à Paris, Porte Maillot. Le vendredi 12 septembre, c'est au Red Room à Lyon, Discothèque. Et le 13 septembre, samedi 13 septembre, c'est à l'Unique Saint-Quentin. Saint-Quentin, voilà. Dans l'Aisne. Ouais, c'est ça. Allez faire un tour pour retrouver DJ Case. Merci pour cette soirée, Case. Merci à vous, l'album est toujours dispo. Bien sûr, Paris, Oran, New York. On peut le trouver un peu partout, le télécharger légalement. Exactement. Évidemment. Toujours et retrouver 25 titres inédits. Et voilà. Merci Case. Merci à vous. Ciao, bonne soirée. Ciao. Et rencard dans une semaine pour un prochain Rail Suprême. Ciao.